sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir, la maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des prises en plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour de lui sur le carreau, mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers. Elle va mourir, la maman. Sainte Marie pleine de grâce, dans la statue et sur la place, bien sûr en lui tendait les bras, en lui chantant Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi, la maman. Il y a tant de blagues et de sourires à travers toi, quoi, la maman. Et tous les hommes ont eu si chaud sur les chemins du grand soleil. Mais elle va mourir, la maman. Qu'ils boivent frais le vin nouveau, le bon vin, la bonne traille, tandis que son pape se pêle-mêle sur les bancs, foulards et chapeaux. Ses droits non ne se sent pas triste, près du grand lit et de l'affection. Il y a ma maman, le guitariste, qui joue en faisant attention. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveillées, elle va mourir, la maman. Tout doucement, les yeux fermés, chante comme en berce un enfant. Après une bonne journée, pour qu'il sourie dans son levant. Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, quoi, la maman. Il y a tant de larmes et de sourires à travers toi, toi, la maman, que jamais, jamais, jamais, tu nous quitteras.